vous met le cœur en bas. Un ami qui revient, c'est bête et c'est tellement bien. Un ami qui s'en va, ça ne se remplace pas. T'en fais pas, mon ami, on se souviendra de toi. Un ami qui s'en va, ça vous met le cœur en bas. Un ami qui revient, c'est bête et c'est tellement.